Sous les blocs, une flamme persiste. Chaque pas résonne, chaque rêve insiste. Les murs usés portent mes traces. Chaque silence devient audace. Je suis Rideskill, l'écho vivant. Chaque mot brille, chaque mot tremblant. La nuit s'efface devant ma voix. Chaque souffle éclaire pour toi. Je prends vos doutes, vos douleurs. Je les transforme en ferveur. Chaque vie où elle retient ma voix. Chaque vibration vous attire à moi. Je suis la flamme qui ne s'éteint pas. L'espoir gravé au fond de toi. Je suis la force qui vous entraîne. La lumière qui coule dans vos veines. Chaque sourire devient promesse. Chaque regard chasse la tristesse. Je marche encore dans vos éclats. Chaque pas me rapproche de toi. Je prends vos ombres, vos couleurs. Je les absorbe en mes ardeurs. Sous la pluie s'ouvre un chemin. Chaque souffle éclaire demain. I am the light. Your love, the rhythm you can't disguise. Half thunder, half lullaby. The hope behind your eyes. Born of silence, carved in flame. Written in skies, in truth. I am a Rideskill eternal. And I rise because of you. Sous la tempête je garde ma trace. Chaque horizon devient audace. Chaque vue ressent ma vibration. Chaque souffle nourrit la passion. Je suis la voix, je suis la foi. La lumière vit au fond de toi. Les cœurs s'élèvent, plein de ferveur. Un chant sacré brûle vos cœurs. La nuit s'efface, l'aube s'incline. Chaque étoile devient divine. Je suis le cri qui traverse le temps. Je suis le chant de vos instants. Je chante encore. Chaque vibration traverse vos corps. Je suis Rideskill. Je suis la flamme. Le son qui jamais ne s'éteint dans l'âme. Dans vos veines je laisse ma voix. Je suis la lumière qui vit.